Chapitre 30e. Rêve de bonheur. Il est impossible de se représenter une résidence plus charmante que le château des deux femmes, Blanche et Fraîcheville, s'élevant au milieu d'une pelouse unie comme le velours, de ruisseaux sinueux, de bosquets d'arbres offrant refuge contre la chaleur de l'été. Sur la terrasse, un magnifique dindon étalait fièrement son plumage, et dans le parc, aux proportions plus modestes, le cerf frottait ses bois contre les vieux arbres. Le dindon et le cerf étaient les bêtes favoris de Henry Ashley. Les femmes même n'étaient qu'un village composé de quelques villas et de nombreuses chaumières. Il était agréablement situé pour ceux qui aimaient la marche, comme pour ceux qui préféraient une courte promenade en voiture. Mais quelque charmante que fût cette résidence, Henry grondait et soupirait après son ancienne demeure. Un beau matin d'été que la famille était réunie et discutait sur l'emploi de la journée, Henry tomba subitement dans un de ces accès de bizarrerie. « Vous avez acheté des femmes pour moi, mon père, commençait-il, mais... »« J'ai acheté des femmes pour ta mère et pour moi, interrompit M. Ashley. « Naturellement, mais sans doute pour qu'ils me reviennent un jour. Or, je suis décidé, quand ce temps sera venu, à envoyer ma reconnaissance au diable et à vendre ce château. Me planter tout seul ici avec mon dindon, quand vous et ma mère vous serez loin, je ne veux pas outrager vos sentiments en vous disant ce que je ferai. Et Marie, dit Mme Ashley, Marie, j'espère bien qu'à cette heure-là, elle sera dans notre quartier. Elle n'est restée jusqu'ici que par politesse pour moi. Marie leva les yeux, le sourire sur les lèvres et les joues animées. Elle faisait plaisir à voir dans sa fraîche robe de mousseline. Je répète à tout le monde combien elle m'est dévouée, continua comiquement Henry. To Helston Leigh crie, c'est vraiment étrange que Marie Ashley, cette jolie fille, ne se marie pas. Marie, ma chère, je sais que ta vanité est aussi grande qu'elle peut l'être. Aussi je ne crains pas de l'augmenter. Ma sœur, se marier, certainement non. Elle a résolu de faire le sacrifice de sa personne pour moi, de vivre avec moi, de rester vestale et de surveiller mon pot-au-feu. Le sourire abandonna la figure de Marie, la rougeur seule y resta. « Je voudrais que tu ne dises pas tant de bêtises, Henry, reprit Marie, comme si Helston Leigh s'inquiétait de ce que je fais. Les gens ne sont pas aussi impertinents que toi. Helston Leigh ne peut pas s'inquiéter de ce que tu fais. Répliqua Henry, oses-tu bien le dire, quand tu sais que toute la ville a pris les armes lorsque tu as refusé Sir Harimar et que tu l'as envoyé se promener? Un pareil honneur ne lui était jamais tombé en partage. Qu'une des belles citoyennes de Helston Leigh, née et élevée dans la ville, courut la chance de devenir madame la baronne. Marie taillait en ce moment un crayon, elle en cassa la pointe. Papa, fit-elle en tournant vers son père sa figure colorée. S'il faut absolument que Henry parle, « faites au moins qu'il parle raisonnablement, je vous en prie. » Madame Ashley intervint. Il était vrai que Marie avait couru, comme l'exprimait Henry, la chance de devenir une véritable baronne, et son refus avait laissé un certain dépit au fond du cœur de Madame Ashley. Elle prit la parole assez sèchement pour soutenir son fils. « Henry ne dit que des choses très sensées. Je trouve que tu agis très rudement envers Sir Harimar. C'est une offre qui ne se représentera pas, Marie. Cependant, et sa voix celle aussi, cela ne regarde nullement la ville, et je ne vois pas comment on l'a su. Comme s'il y avait quelque nouvelle, bonne ou mauvaise, où Helston Leigh ne trouve pas moyen de fourrer son nez, répondit Henry. Je crois bien, moi, que c'est Henry qui a divulgué la chose, fit Marie. Moi? Eh bien oui, comme si j'allais répéter toutes les vilaines choses que fait ma sœur. C'est déjà bien assez de les supporter moi-même. Comme si je pouvais consentir à épouser un homme comme Sir Harimar, répliqua Marie avec l'esprit railleur de son frère. « Marie, dit M. Ashley, tu me parais glisser hors de cette affaire et de toutes ces questions-là aussi facilement qu'une anguille. Je ne suis jamais parvenu à savoir le fond de la chose. Quelle objection avais-tu contre Sir Harry ?»« Une objection, papa, » balbutia-t-elle en rougissant. « Je ne tenais pas à lui. » « Était-ce vraiment cela ?» fit M. Ashley. « Est-ce que ça continuera toujours comme cela, ma chère ?» demanda sa mère. La pauvre Marie, toute confuse, ne savait plus où s'il devait se fâcher ou pleurer. « Que voulez-vous dire, maman? Es-tu décidé à des refus continuels? On t'a déjà demandé 3 fois. »« Sans compter l'aventure de Cyril Dare, » ajouta Henry. « Et tu dis toujours non, » acheva Madame Ashley. « Tu es décidément bien difficile. »« En attendant, elle devient vieille fille et... »« Tais-toi donc, Henry, ne peux-tu pas me laisser la paix ?» fit Marie en souriant et se fâchant à moitié. « Mais, ma chère, c'est très vrai. » Naturellement, je n'ai pas tenu compte de ton âge depuis que tu as eu 18 ans, ce n'aurait pas été poli. Mais j'ai la ferme conviction que tu as eu cette bienheureuse année au moins 24 ans. J'en aurai 34, interrompit Marie, que je n'épouserai pas Sir Harry Maher. Je ne suis pas obligé de me marier. Ma chère, personne ne l'a dit. Fit Henry en lui lançant à la tête une rose qu'il avait à sa boutonnière. Mais ne vois-tu pas que tout ceci en revient à mon argument, que tu avais résolu de faire un noble sacrifice fraternel et que tu resteras avec moi? N'as-tu pas encore de chat? Marie, voyant qu'elle n'avait pas le beau rôle dans la discussion, quitta la chambre. Peu après, une domestique vint réclamer Madame Ashley, qui sortit. « Avez-vous reçu un billet de William ce matin, mon père ?» demanda Henry. « Oui, » répondit M. Ashley, en le tirant de sa poche. « Il me dit que le bruit court dans la ville que Herbert Dare est mort. »« Herbert Dare ? Je voudrais savoir si c'est vrai. Il faut espérer que non. Il ne devait pas être préparé à la mort, à ce que je crains. Je vais à la ville, et j'en apprendrai sans doute davantage. »« Vous y allez aujourd'hui ? Alors dépêchez-moi, William. Voulez-vous, mon père ?»« Je ne sais trop, Henry. » « On a beaucoup à faire à la manufacture, et je suis sûr qu'il ne voudra pas la quitter. »« Quelle bénédiction si cette manufacture pouvait s'en aller dans les nuages !» s'écria Henry. « Toutes les fois que je voudrais voir William, je peux être sûr qu'il est à la manufacture. »« Il est fort heureux que William ne pense pas comme toi, » remarqua M. Ashley. « En tout cas, mon père, il faut qu'il considère Samuel Lynn comme un zéro. Sans cela, il ne s'attellerait pas ainsi aux affaires. »« Vous ne vous êtes jamais appliqué de la sorte, mon père. » « Pardon, monsieur mon fils, mais tu me feras le plaisir de te rappeler que les deux cas ne sont pas identiques. J'étais chef et directeur. Si j'avais voulu prendre un congé d'une année et laisser détraquer les affaires, cela n'aurait regardé que moi. J'en étais seul responsable. William n'est pas dans cette position. Je sais seulement qu'il est souvent dans la position de ne pas être libre, quand on a besoin de lui. » Andra Henry en tournant machinalement les feuillets d'un livre. « Veux-tu venir à la ville avec moi ?» « Je ne pourrai pas le supporter aujourd'hui. Ma hanche me fait trop mal. »« Vraiment? Veux-tu que je ramène Paris avec moi ?»« Non, je ne le veux pas sans nécessité. Ma mère sait ce qu'il me faut. Ce ne sera rien. J'étais si bien ces derniers temps. »« Oui, en effet. Quoique tu en veuilles tant aux femmes, c'est le changement de position d'air qui te rend la santé, ingrat personnage. » M. Ashley regardait Henry avec tendresse. Henry saisit les mains de son père, son ton à demi-moqueur se changeant en une voix émue. « Je ne suis pas ingrat, mon père, bien loin de là. Je sais ce que vaut mon excellent père. Je sais qu'aucun fils n'en pourrait avoir un meilleur. Il faudra bien que je grogne jusqu'à la fin de mes jours, c'est mon plaisir. Mais mes murmures ne sortent plus que du bout des lèvres. Ils ne viennent pas de mon cœur comme autrefois. C'est ce que j'ai remarqué avec une profonde reconnaissance. Tu as remporté la victoire sur cet esprit rebelle. Victoire dont tu dois remercier William Halliburton. Oui, mon père, il est plus que probable que sans lui je serais descendu, pauvre être misérable, dans la tombe, sans avoir cherché la lumière ou l'amour que l'on peut trouver en ce monde. » M. Ashley regarda son fils. Henry luttait contre l'émotion, quoiqu'il reprit un ton plus sarcastique. « Henry, de quelle lumière, de quel amour veux-tu parler ? La lumière et l'amour que tout homme trouve en lui-même. Lui, William me disait, il y a bien des années, que je pourrais rendre ma vie elle-même utile et agréable, et je me moquais de lui. Mais je vis bien plus tard qu'il avait raison. Quand William vint chez nous, humble commissionnaire envoyé par Samuel Lynn, vous apportait un billet, vous en souvenez-vous, mon père, et m'offrit de m'aider, imbécile que j'étais, à mon exercice de latin, aide que je condescendis gracieusement accepter, nous ne devinions guère quelle bénédiction venait d'entrer sous notre toit. Nous ne devinions guère la persévérance, la bravoure, le courage indomptable, caché en cet humble petit commissionnaire, acheva M. Ashley. Il a réussi comme il le méritait. Vous aurez en lui un digne successeur, un second Thomas Ashley, bien meilleur que je ne l'aurais jamais été, même avec la santé la plus robuste. Il n'y a plus qu'une chose que William doive obtenir, et après je crois qu'il pourra se tenir tranquille. Laquelle ? Oh, ce n'est pas mon affaire, mon père. Si les gens ne savent pas s'arranger tout seuls, ils n'ont pas besoin de venir vers moi pour que je les y aide. » M. Ashley regardait attentivement son fils. Henry changea de sujet. « Envoyez-le-moi, mon père, ou bien ramenez-le en voiture avec vous. »« Je verrai, » dit M. Ashley. « Sais-tu où elle est ta mère ?»« Elle est allée voir quelques catastrophes domestiques. » Marthe est venue la figure aussi verte que la queue de mon dindon et lui a fait signe de sortir. Le plus beau service de porcelaine a reçu sans doute quelque atout. M. Ashley sonna et donna l'ordre d'atteler le cabriolet acheté spécialement pour Henry. Avant de partir, M. Ashley rencontra Marie dans le corridor. Elle était debout à l'embrasure d'une des fenêtres. Elle avait pleuré. « Qu'as-tu donc, Marie ?» Elle s'appuya contre le bras de son père qui l'entourait et essaya d'arrêter les larmes qui remplissaient ses yeux. « Je voudrais que maman et vous ne fussiez pas aussi fâchés de ce que j'ai refusé, sœur Harimar. »« Qui t'a dit que j'étais fâchée, Marie ?»« Oh, papa, je l'ai cru ce matin. Maman est fâchée contre moi. Et cela me fait de la peine. C'est comme si vous désiriez me voir partir. »« Te voir partir, ma chère enfant. » Pour nous, je voudrais que tu ne nous quittasses jamais, Marie, mais pour ton propre bonheur, c'est différent. Je ne veux pas m'en aller, sanglota-t-elle, je veux rester à la maison. Ce n'était pas ma faute, papa, si je ne pouvais pas aimer sœur Harimar. Tu n'épouseras jamais un homme qui ne te plaira pas, mon enfant, lors même que ce serait le premier père des trois royaumes. Pourquoi ce chagrin? L'ennui de ta maman s'effacera bientôt. Elle aurait voulu, comme le dit Henry, te voir devenir madame la baronne. Sa fille, être Lady Mar. Ta mère en aurait été flattée, mais tout cela passera, enfant. Marie pleurait toujours. Vous ne me laisserez pas partir malgré moi, papa. Vous me garderez toujours à la maison. Monsieur Ashley secoua la tête. Toujours est un temps bien long, Marie. Quelqu'un peut se présenter qui te déplaise moins que sœur Harimar et qui t'engage à nous quitter. Oh non, jamais, papa. S'écria-t-elle avec plus de vivacité que le cas ne semblait l'exiger. « Si quelqu'un me demandait encore, répondez tout de suite non, ne prenez pas la peine de me le dire. »« Qui que ce soit, Marie. »« Oui, papa, qui que ce soit. »« Ne me laissez pas emmener loin de vous. » Il se pencha vers sa fille et l'embrassa. Elle resta à la fenêtre, suivant de l'œil la voiture qui l'emportait. Henry passa. « Papa est-il loin ? Sais-tu, Marie ? Il y a 5 minutes qu'il est parti. J'espère qu'il me ramènera William. » Il sonnait 2h30 quand M. Ashley entra dans la manufacture. Samuel Lynn était dans sa chambre, assorti sans des gants. William était assis au bureau, à l'ancienne place de M. Ashley, la sienne maintenant, au bureau même, où le billet avait été volé. Il se leva, serra la main du patron et lui offrit une chaise. M. Ashley était toujours le patron, William était M. Halliburton. Après quelques moments consacrés aux affaires, M. Ashley en arriva à la nouvelle de la mort de Herbert Dare. Le pauvre Herbert n'était jamais revenu de l'étranger. Et il était à craindre qu'il ne fût descendu de plus en plus bas sur l'échelle de la société. En d'autres circonstances, et avec une autre éducation, Herbert aurait pu devenir un honnête homme et respectable. Elstonleigh se demandait pourquoi il restait à l'étranger. Il était évident qu'il y trouvait son profit, car on l'apercevait à toutes les tables de jeu de Hombourg, Baden-Baden, Wiesbaden, etc. « Comment avez-vous appris qu'il était mort ? » demanda M. Ashley. « Par Richard Winter. » répondit William. « Je l'ai rencontré hier soir, et il m'a dit que le bruit courait que Herbert Dare avait succombé à un accès de fièvre. » Comme William parlait, un certain capitaine Chambers entra et l'interrompit. « Avez-vous entendu dire que Herbert Dare est mort ?» fut sa première question. « Est-ce certain ?» demanda M. Ashley. « Je ne sais pas. Les bruits qui courent dans la ville disent que oui, mais on ne peut pas toujours y ajouter foi. Comme cette famille est descendue, » continua le capitaine. « Anthony, le premier, Herbert ensuite, Cyril viendra après, le misérable. »« Il quittera le monde d'une manière fort peu honorable. Quelles déroutantes habitudes !»« Le vieux Derossi, si je ne me trompe, en est à ses derniers moments. Est-il malade ?»« Non, pas plus que d'ordinaire, mais je n'ai jamais vu un homme aussi affaissé. »« À propos de bruit. » Et le capitaine se tourna brusquement vers William. « Il y en a un qui court aujourd'hui la ville sur votre compte. »« Qu'est-ce donc ?» demanda William. « Pas que je suis mort, ni que j'en suis à mes derniers moments, j'espère. »« Quelque chose de mieux, que vous allez épouser Sophie Glenn. » William eut l'air fort surpris. Un sourire se jouait sur ses lèvres. « Allons donc. »« Qu'est-ce qui a fourré ça dans la tête des gens ? » s'écria-t-il. « Vous devez le savoir, » répondit le capitaine. « N'avez-vous pas, tout d'abord, été le cavalier de Mademoiselle Sophie au concert d'hier soir ?»« Voyons, Master William, êtes-vous coupable ou non coupable ?»« Coupable d'avoir été son cavalier. » Je suis allé hier soir faire visite aux Glen, et je les ai trouvés qui partaient pour le concert et les accompagnaient. J'ai offert mon bras à Mademoiselle Sophie. Et vous avez murmuré ces douces paroles ? Voulez-vous être ma charmante femme ? Pas du tout, dit William en riant, et je ne crois pas que la femme à laquelle je les adresserai soit encore née. Si cela peut faire plaisir à Elstonleigh de le savoir. Vous pourriez faire beaucoup plus mal que d'épouser Sophie Glen, je puis vous l'assurer, Master William. » reprit le capitaine Chambers, Rappelez-vous qu'elle est la plus riche des trois sœurs Glenn. Sa bonne étoile l'a dotée de 125 000 francs. » Quand le capitaine Chambers eut pris congé, M. Ashley regarda William. « J'ai entendu Henry vous plaisanter à propos des demoiselles Glenn. Ce sont de gentilles jeunes filles. Y a-t-il quelque chose de vrai là-dessous, William ?»« Monsieur, comment pouvez-vous me faire une pareille question ?»« Je suis d'accord avec Chambers. Qu'un homme pourrait faire plus mal que d'épouser Sophie Glenn. »« Moi aussi, monsieur, mais je ne serais pas cet homme. » »« Il me semble pourtant qu'il serait temps de penser à vous marier. Vous aurez bientôt 30 ans. » »« Oui, monsieur, mais je ne compte pas me marier. »« Pourquoi donc ?»« Parce que... » Mes idées m'entraîneraient trop, c'est-à-dire, je veux dire, il s'embrouilla, hésita et s'arrêta, car il s'enfonçait dans un dédale inextricable. Chose remarquable pour le calme habituel de William Halliburton. Voulez-vous dire que vous ayez quelque attachement ailleurs ? William rougit. Je ne puis pas le nier, monsieur, répondit-il après une longue hésitation. Et la personne est au-dessus de vous ? Oui. De quelle manière ? Par sa position ? Par quelque obstacle insurmontable, est-elle la femme d'un autre ? William sourit. Oh non, par sa position. Faut-il vous donner mon opinion, William, sans même connaître les détails ? William était debout à l'angle de la cheminée, le coude sur le manteau. Il ne leva pas les yeux en répondant. Monsieur, comme il vous plaira. Alors je crois qu'il n'y a pas une seule fille à marier dans tout le pays à laquelle vous ne puissiez aspirer, et que vous ne puissiez obtenir avec le temps. Oh, monsieur Ashley ! Est-ce la fille du Lord Lieutenant ? William se mit à rire. Est-ce la fille de l'évêque ? William secoua la tête. Elle est tout aussi loin de moi. Allons, il faut que je sache qui, dites-le-moi. Il m'est impossible de vous le dire, monsieur. Je veux le savoir. Je ne crois pas vous avoir jamais fait une question à laquelle vous n'ayez pas répondu. Depuis le jour où, enfant, vous m'avez confessé vos pensées au sujet de cette pièce d'un franc, trouvée par terre. Des secrets pour moi. Cela ne vous est pas permis. Je veux savoir tout, William. William ne répondait pas. Il cachait son front et ses yeux, mais M. Ashley pouvait distinguer un sourire sur ses lèvres. « Allons, je vais vous aider. Est-ce la charmante Dobbs ?» Il ôta sa main de sa figure. « Eh bien, monsieur, non. Ça ne peut pas être Charlotte Matisse, puisqu'elle est mariée. » William restait impénétrable. Le patron lui posa tout à coup la main sur l'épaule et le regarda en face. « Est-ce Marie Ashley ?» Le sang qui monta subitement à sa figure et colora jusqu'à la racine de ses cheveux dit à M. Ashley la vérité plus efficacement que ne l'auraient fait des paroles. Il y eut un long moment de silence. M. Ashley fut le premier à parler. « Depuis combien de temps l'aimez-vous ? » ?»« Depuis des années. C'est là le rêve de mes aspirations. Le rêve que je savais bien ne jamais pouvoir réaliser, » répondit-il en laissant son regard rencontrer celui de M. Ashley. « Lui en avez-vous parlé ? » ?»« Jamais. » Lui avez-vous laissé croire que vous l'aimiez ? Non, monsieur, à moins que mes regards et ma voix ne m'aient trahi. Honnête en cela comme en toute chose, morça M. Ashley. Que dois-je vous dire ? Demanda-t-il à haute voix. Je ne sais pas, soupira William. Naturellement, monsieur, vous me défendrez aux femmes, mais je pourrais voir encore Henry en ville. J'espère que vous me pardonnerez, ajouta-t-il avec passion. Je ne pouvais pas m'empêcher de l'aimer. Avant que j'eusse compris que je l'aimais, l'amour était là. Oh, si j'avais été en position de l'épouser, sa vie n'aurait été qu'un rêve de bonheur. Quand je me suis réveillé... Qu'est-ce qui vous a réveillé ? Interrompit M. Ashley. Je crois que c'est la demande de Cyril Dare. Je débattis en moi-même alors si je devais cesser d'aller chez vous. J'en arrivais à la conclusion que tant que je réussissais à cacher mes sentiments, je ferais mieux de ne pas me bannir de votre maison. J'avais tort, je le sais, mais c'était une si grande tentation que de pouvoir voir Mademoiselle Ashley de temps à autre, que je ne pouvais y résister. Et ainsi, vous avez continué à entretenir cet amour ? Oui, je l'aimais passionnément, désespérément, et je n'oubliais pas pourtant qu'un jour la séparation viendrait. Avez-vous entendu parler de la demande de Sir Harimar ? Oui. William passa sa main sur son front. Il avait l'air brisé. Monsieur Ashley changea le ton. William, je suis incapable de décider cette affaire. Vous devez prier Marie de le faire elle-même. Monsieur. « Si Marie vous favorise plus que ses autres prétendants, je ne l'en empêcherai pas. Seulement, aujourd'hui même, elle m'a pris en pleurant de renvoyer tous ses adorateurs, de les refuser de moi-même. Mais dans cette occurrence, il vaut mieux que vous obteniez directement une réponse. » William, son âme dans les yeux, regardait M. Ashley. Il ne savait pas s'il dormait ou s'il était bien éveillé. « Vous ai-je fait une commission de la part de Henry ? » demanda M. Ashley. « Non, monsieur, répondait-il avec distraction. » Il vous prie d'aller le voir. Je lui dis que je vous enverrai si vous n'étiez pas trop occupé aujourd'hui. Il n'est pas très bien. Mais, « Monsieur, savez-vous ce que vous m'avez dit ? L'aurais-je dit sans cela ?» répliqua M. Hushel avec calme. « Vous avez donc bien de la peine à me croire ?» Les yeux de William brillaient. « Je n'ai pas de fortune, murmura-t-il. Je n'ai rien à lui offrir. Vous avez ce qui vaut mieux que la fortune, William. Allez seulement connaître la réponse de Marie. Vous pourrez prendre le courrier de 3h30, si vous vous dépêchez. » William sortit, croyant rêver encore. Son rêve, si longtemps subli au plus profond de son cœur, allait-il donc devenir une réalité? Cependant, au milieu de sa joie, il ne put s'empêcher de songer à la famille Dare. Herbert était bien jeune pour mourir. Les Dare descendaient tristement l'échelle sociale. Cyril était, comme l'avait appelé le capitaine Chambers, un misérable. Après avoir quitté M. Hushel, il était entré dans le bureau de son père momentanément, disait-on, mais il n'avait pas trouvé d'autre position. Il passait la plus grande partie de son temps au café et dans les lieux de plaisir. George, dont la nomination n'était jamais arrivée, était parti 2 ou 3 ans auparavant pour le port de Sydney. Sa sœur Julia s'y était établie avec son mari, et ils avaient procuré une place à George. Et William s'en allait en comparant la position d'Eder avec la sienne.